Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine scientifique de France Inter, Du vent dans les synapses. 2 heures tous les samedis après-midi pour explorer le monde des sciences et exercer notre curiosité tous azimuts dans les labos et sur le terrain. Aujourd'hui, en première heure, nous verrons comment les progrès de la génétique sont en train de révolutionner la médecine. Se servir des informations contenues dans notre ADN pour intervenir avant la survenue d'une maladie ou proposer à un patient un traitement spécifiquement adapté grâce à l'analyse de son génome, telles sont les possibilités qu'offrent ces nouvelles approches que l'on nomme médecine prédictive et médecine personnalisée. Nous allons en parler dans un instant avec le généticien Pascal Pujol. Puis nous passerons en revue l'actualité scientifique de la semaine avec les journalistes Cécile Bonneau, Sophie Becherel et Mathieu Novak. Nous nous intéresserons entre autres au cerveau des chiens, au génome du petit pois et à celui du monstre du Loch Ness. Et à 16h, nous nous envolerons vers des mondes lointains. Nous partirons explorer les lunes des planètes gazeuses de notre système solaire et plus particulièrement Titan, le plus grand satellite de Saturne sur lequel la NASA a récemment annoncé vouloir envoyer un drone. Pour y faire quoi? C'est ce que nous découvrirons avec l'astrophysicienne Athéna Koustenis, conseillère sur cette mission d'exploration. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet avec l'aide de David Leprince. Elle a été préparée par Rebecca de Nantes. Et à la technique, c'est Paul Percheron. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. Un extrait du film Bienvenue à Gattaca. Bonjour Pascal Pujol. Bonjour. Vous êtes généticien spécialisé en cancérologie au CHU de Montpellier. Vous venez tout juste de publier Voulez-vous savoir ce que vos gènes disent de notre santé aux éditions Humaine Science. Alors dans quelle mesure l'extrait que l'on vient d'entendre appartient-il encore aujourd'hui à la science-fiction? Je crois que ce qu'on prédit, c'est pas l'occurrence d'une maladie. Ce qu'on arrive aujourd'hui à identifier et à prédire, c'est un risque. Il est quelques situations aujourd'hui où on est capable d'identifier des risques sur un plan quantitatif aussi forts que ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on a quelques situations assez rares, mais assez précises, où on est capable aujourd'hui de savoir qu'une personne a un risque de 70%, par exemple, de cancer du sein. C'est un peu ce qu'on vient de voir. Mmh. Ce qui est inquiétant, je trouve, dans la prédiction de ce film, c'est que elle est brute. Elle n'a pas de finalité. Or, aujourd'hui, l'intérêt de connaître un risque très fort réside dans le fait qu'on peut avoir des actions médicales utiles en prévention et en dépistage. Alors, qu'est-ce que l'on nomme aujourd'hui médecine prédictive exactement? La médecine prédictive, c'est en fait une médecine préventive pour une personne. Mmh. On la personnalise dans la prévention en général, comme la vaccination, on s'adresse à la population générale sur un risque général. Ou bien des mesures hygiéno-diététiques, bien manger, faire du sport, etc. Ça, c'est valable pour tout le monde. La médecine prédictive, encore une fois, identifie un risque et ne prédit pas vraiment la maladie, mais elle identifie un risque. Et à partir de là, une prévention spécifique, personnalisée, est indiquée. Alors, un exemple d'une consultation de diagnostic présymptomatique, c'est comme ça qu'on dit. Nous sommes à la Pitié-Salpêtrière. Nous sommes plus précisément dans le service du docteur Alexandra Dur, neurogénéticienne. Une femme consulte pour savoir si elle est porteuse du gène de la maladie de Charcot. J'ai une sœur qui est atteinte de la maladie de Charcot, donc génétique, et donc maman a fait une prise de sang aussi génétique, elle est dominante. Elle a quel âge votre maman? 76. Et elle est porteuse? Et elle est porteuse. D'accord. Et vous avez quel âge là? 47. D'accord. Vos enfants, ils savent que vous êtes là? Oui, oui. On en a bien parlé. C'est bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense? C'était mon choix. Que voilà, ça ne les dérange pas de connaître. Non, pas du tout. Ils sont pas peur de la maladie? Non, on en a bien parlé. Puis elle voit ma sœur. Elle fait partie de la vie. Voilà, de la vie. Ouais. C'est vraiment mon choix. Moi, j'ai vraiment envie de savoir. Voilà. Ça. Puis en plus, sachant que je peux être dominante et ne jamais me déclarer, mais au moins maintenant, je saurai. C'est ça. J'y suis ou j'y suis pas. Voilà. J'y suis pas, bah, et évidemment. Vous pas, c'est bien. Je crois quand même en la médecine. Malgré c'est bien. Tout. C'est bien. On va trouver quelque chose. Extrait d'un documentaire signé Lucie Sarfati, diffusé sur France Culture. Pascal Pujol, avant de se lancer dans le moindre test génétique, il y a ce temps de discussion avec le généticien pour savoir quelles sont les motivations et si vraiment le test génétique est souhaitable. Et oui, on doit vraiment peser au cas par cas la balance bénéfice-risque. Dans certains cas, c'est assez facile dans la discussion parce qu'on a la conjonction d'un risque réel pour la santé et de l'autre côté, d'actions très utiles. Ça peut être le dépistage, la prévention, on pourra peut-être développer plus tard. Oui, vous pouvez donner des exemples pour qu'on comprenne. Oui, par exemple, le cancer du sein, on a des façons de dépister le cancer du sein aujourd'hui très sensible, très efficace. On guérit 86% des cancers du sein à 5 ans, c'est les derniers chiffres de l'Institut du cancer. Avec le dépistage, c'est encore mieux. Donc on a des actions utiles dans certaines affections, comme celle que vous venez de présenter. La maladie de Charcot. La maladie de Charcot, on a des traitements qui s'améliorent, mais on n'a pas encore des traitements absolument efficaces. Alors dans ces cas-là, la question est vraiment de savoir, quel est l'intérêt pour le patient absolument. De savoir qu'il est porteur, possiblement, en gros, on fait planer des épées de Damoclès génétiques au-dessus des personnes, sans avoir vraiment de solution à leur proposer. Tout à fait, c'est assez rare, mais il y a quand même un intérêt pour certaines pathologies. Je pense aussi à une autre pathologie, un peu la chorée de Huntington, par exemple, qui est une pathologie grave pour laquelle on n'a pas de traitement. Mais les parents ou les futurs parents peuvent se donner les moyens d'éviter la naissance d'un enfant atteint. Et c'est souvent une motivation des personnes à savoir. Parce qu'effectivement, c'est une situation un peu cornélienne où on sait qu'on va quand même créer du stress. Sur l'occurrence très possible d'une pathologie sans avoir la parade. Pour la médecine prédictive, cette équation est constante. Le bénéfice est une conjonction d'un risque fort et d'une action. Et on a un peu toutes les gradations. Dans ce cas, c'est le plus difficile. On a un risque très fort et on a des actions médicales assez limitées. Il y a cette notion que les généticiens appellent dans un néologisme les gènes actionnables. C'est-à-dire que on peut identifier des mutations sur lesquelles on sait comment agir pour éviter que la maladie ne se déclare ou en tout cas soigner dans les tout premiers temps. Et puis, il y a des gènes non actionnables. C'est-à-dire que on sait qu'ils sont là, mais s'il déclenche la maladie, on ne pourra rien faire. Oui, et il y en a encore d'autres modes de non-actionnabilité, c'est-à-dire des gènes pour lesquels les risques sont faibles. Oui. Et à partir de là, pourquoi en avoir connaissance ? Pour le dire avec un exemple très clair, si après une analyse génétique, on se rend compte qu'un patient a 1% de risque de plus de développer Alzheimer à passer 70 ans, quel intérêt de le dire à ce monsieur ? À mon avis, aucun. Toute la difficulté, pour bien comprendre ce dont on discute, c'est que tous ces gènes qui sont en nous, au cœur de nos cellules, ne sont pas des interrupteurs on-off. À chaque fois, c'est un pourcentage. Déjà, ils ont tous des actions qui s'entremêlent. Et à partir de la présence d'une mutation, souvent, on ne peut que dire « oui, le risque est un peu plus élevé ou beaucoup plus élevé ». Mais on n'a pas de réponse « oui-non » sur une maladie. Alors, absolument. Dans la majorité des cas, c'est bien l'état des connaissances actuelles. Mais il y a quand même un nombre croissant de pathologies génétiques aujourd'hui où la médecine prédictive est très forte. Par exemple, le cancer de la thyroïde familiale, c'est un des premiers cancers familiaux pour lequel on a compris le déterminisme et on a identifié avec certitude que c'était bien la variation du gène qui faisait le risque familial. En matière de thyroïde, c'est en général un cancer de bon pronostic, pas dans cette forme-là, malheureusement la forme génétique est plus grave. Alors, une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce qu'on a fait assez tôt, c'est qu'on a compris que le risque de transmission à la descendance était de 1 sur 2. Et on a proposé au début la thyroïdectomie, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde préventive. Avant que le cancer ne se déclare. Avant que le cancer. Parce que ce qu'on appelle la pénétrance, pardon pour vos auditeurs, qui est en fait la probabilité de développer la maladie quand on a le gène, est quasiment de 100%. On a à choisir entre un cancer assez agressif, avec peu de chances de s'en sortir, ou une ablation de la thyroïde. Avec laquelle on vit pas mal. Parce que vous le savez, on a en France presque 1 million de personnes qui a une thyroïde qui n'est plus fonctionnelle. Donc, retirer la thyroïde n'altère pas vraiment la qualité de vie. Il faut prendre un médicament qui est une hormone thyroïdienne qu'on prend tous les jours. Mmh. Mais la qualité de vie n'est pas altérée et on soustrait la personne à un risque majeur. Alors, parmi les gènes mutés qui prédisposent à une maladie, il y a le gène BRCA, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Pascal Pujol. Sa présence augmente les risques d'avoir un cancer du sein. Dans quelle proportion ? C'est 70%. Maintenant, on a une vision assez claire parce qu'on a plus de 20 ans de recul. Donc, on a une vision assez précise du risque moyen d'une personne porteuse. Ce risque est de 70%, donc de 7 sur 10. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ça justifie qu'on est derrière des modifications de la prise en charge. Et dans le cas du cancer du sein, cette prise en charge a été validée. On utilise aujourd'hui un examen qui s'appelle l'IRM en lieu et en place de la mammographie ou en complément de la mammographie qui apporte une sensibilité très bonne pour le diagnostic précoce. Souvent, ce qui a été médiatisé, c'est l'histoire d'Angelina Jolie, qui est une femme qui est très marquée par son histoire familiale, ça arrive en consultation, et pour laquelle ce risque est inacceptable, même avec une surveillance accrue, et qui va décider elle-même qu'elle opte pour un traitement aussi radical que la chirurgie préventive mammaire. C'est-à-dire qu'elle s'est fait enlever les seins pour pas avoir de risque de développer un cancer, Angelina Jolie. C'est public, elle l'a dit publiquement. Et son histoire est publique aussi, et cette femme a perdu des êtres très proches dans sa famille. Donc la perception du risque de cancer pourrait le raisonner comme un cancer fatal. Alors qu'on vient de le dire à nos auditeurs, le cancer du sein, on a des taux de guérison vraiment excellents aujourd'hui. Ouais. Donc c'est une option possible, c'est ce que je veux dire. On n'a pas, parce qu'on a la mutation, à retirer les seins. On peut aussi opter pour une surveillance très particulière. Pour autant, aujourd'hui, quelles sont les femmes qui se font tester pour savoir si elles ont ou non la présence de ce gène ? Est-ce que toutes les femmes ont le droit d'aller voir un généticien et de demander « est-ce que j'ai dans mon génome ce gène muté BRCA ?» Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, toutes les femmes n'ont pas le droit. C'est-à-dire que le droit français est assez protecteur. C'était un point, d'ailleurs, que certains auraient aimé voir discuter dans la révision des lois de bioéthique actuelles. Peut-être fera-t-il l'objet d'un amendement. Cette révision est en cours. La problématique est la suivante. Pour avoir une indication de test, aujourd'hui génétique, on considère qu'il faut un facteur évocateur. Le plus souvent, c'est l'histoire familiale. Parfois, c'est une femme qui a un cancer du sein très jeune. Et là, on considère que ça peut évoquer un risque familial. Mais la prescription ne se fait que lorsque le généticien a un ensemble d'éléments évocateurs. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit en population générale que beaucoup de femmes n'ont pas les critères pour lesquels on retient l'indication. C'est-à-dire que dans 40% des cas, une femme qui a un cancer du sein ne répond pas à ces fameux critères de familiarité, etc. Donc, ces critères, peu à peu, s'élargissent. Mais jusqu'où ? La question est posée. Moi-même, je n'ai pas un avis affirmé sur la question. Mais ce que je crois, c'est que l'essentiel est que les personnes qui accèdent à un test aient une information correcte. Et donc, je suis vraiment pas favorable à un accès des personnes vers un test génétique en dehors d'une consultation médicale. Alors là, vous faites référence justement à ces sociétés privées qui proposent d'analyser notre génome. Alors, en France, c'est interdit, mais ça se fait beaucoup aux États-Unis et par Internet, il est toujours possible d'y avoir accès. Fabienne Synthèse y a consacré un téléphone sonne mercredi dernier. L'émission est encore podcastable. Que valent ces tests génétiques privés, Pascal Pujol ? Ça dépend déjà de la compagnie qui les fait. Une des compagnies, je ne sais pas si on peut en dire le nom à l'antenne, une grande compagnie affiliée à une GAFA, propose des tests génétiques qui mêlent l'ancestralité, qui est quelque chose d'assez précis, y compris en test commercial. Donc on peut avoir des informations sur ses ancêtres. Et très bonne, très pertinente. Il peut y avoir quelques écarts, mais enfin, donc on peut identifier nos origines à quelques générations, parce qu'il faut rappeler à tous nos auditeurs qu'on partage tous les mêmes origines au plan génétique. Mmh. Et c'est ça qui est assez étonnant dans la génétique, c'est qu'on vient tous de quelques êtres humains partageant la plupart des gènes, et on a quand même une grande diversité liée à nos brassages. Je reviens quand même au propos. Donc, à côté de cette ancestralité, ces compagnies proposent des tests avec une valeur médicale. Et là, il faut être extrêmement méfiant. un de mes amis récemment a fait une analyse qui était à des fins d'ancestralité. C'est un ami médecin. Il fait ses analyses et en cochant les cases, il a accès à des informations médicales. Et on apprend dans ces informations médicales qu'on aurait dans la famille une prédisposition génétique au cancer du côlon, qui est à peu près la même chose qu'on discutait pour BRCA, mais pour les cancers coliques, avec des risques très forts. Il m'amène cette analyse, on démarre une coloscopie, parce que c'est vraiment la sécurité quand on a ça. On refait l'analyse dans mon laboratoire à Montpellier, et on ne retrouve pas du tout. Et en fait, vous voyez, il y a un problème aussi de qualité dans ces analyses. Donc, il y a un problème d'information préalable. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit à mon ami... Qu'on allait lui donner ce type d'information. Peut-être il y aurait une information. Peut-être ne voulait-il pas la savoir. Ah oui. Mais on lui a donné. Et cette information n'était pas robuste. Et en plus, elle n'était pas fiable. Mais il y a déjà le premier problème, même si elle l'avait été, effectivement, votre ami n'avait pas demandé à avoir cette information. Oui. Et en plus, une fois qu'il l'a, cette information ne le concerne pas lui seulement, mais tous ses proches, c'est-à-dire sa famille, ses parents, ses enfants. On commençait à en parler aux enfants. Rendez-vous compte, hein, des jeunes personnes. Donc, le prérequis de l'analyse génétique prédictive, c'est quand même l'information éclairée et ce qu'on appelle l'autonomie de la personne, la volonté de savoir, d'où le titre de cet ouvrage. Mais cette question de la famille se pose aussi avec les tests médicaux encadrés en France. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient, on sort un peu du secret médical classique. Habituellement, une personne qui allait consultait pour elle-même avec un médecin qui s'adressait uniquement à elle-même. Là, la personne ressort avec des informations sur sa santé, mais aussi sur celle de ses frères et sœurs, de ses enfants et de ses parents. Comment on gère cette nouvelle donne ? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui a fait l'objet d'un décret de loi qui s'appelle le décret parentèle, parce que il est apparu à nous médecins et aux législateurs qu'il y avait quand même une tâche très lourde pour la personne qui avait un peu double peine. Elle apprenait qu'elle avait cette prédisposition et en même temps elle apprenait qu'elle pouvait la transmettre, en particulier à ses enfants ou à sa famille. Et donc, à partir de là, quand l'information est médicalement utile, il fallait s'assurer que l'information soit transmise. Or, pour certaines personnes, on a une distance physique, parfois psychique, avec les êtres de sa famille. Et, et le législateur est venu en aide dans certains cas de figure, autorisant le médecin à une espèce de dérogation au secret médical pour aller informer une personne au cas où la personne qui a le résultat ne souhaitait pas rentrer en contact avec une personne de sa famille. Donc, vous voyez que cette réflexion est très importante. Ouais. Ce n'est pas une consultation individuelle, vous avez raison, ça devient une consultation familiale. Mais au sein d'une fratrie, une personne peut avoir envie de savoir et ses frères et sœurs, pas du tout envie qu'on les tienne au courant. Une fois sur trois. On avait mené à l'Institut du cancer, il y a une dizaine d'années, une étude avec 100 000 tests. Et qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu que dans une famille où on trouvait la mutation BRCA1, donc celle pour le cancer du sein, eh bien, on avait à peu près 3 personnes dans la famille qui faisaient les tests. Or, on devait s'attendre à plus. Donc, quelle était la raison pour laquelle 6 personnes, presque les 2/3, ne faisaient pas l'analyse ? Est-ce que c'était un manque d'informations pour eux, ou bien est-ce qu'ils avaient reçu l'information de leurs proches et qu'ils ne voulaient pas savoir ? Alors ? Et la réponse, c'est 1/3, 1/3, 1/3. Donc, vous avez 1/3 des personnes qui sont informées correctement par leurs proches, mais qui ne veulent pas savoir. Il faut bien évidemment absolument respecter ça. C'est leur liberté absolue. Une fois une maladie déclarée, connaître le génome du patient peut permettre aussi de lui proposer le traitement le plus adapté à son cas. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Dans ce domaine aussi, les progrès de la génétique laissent entrevoir de nouvelles façons de soigner. Vous allez nous l'expliquer, Pascal Pujol. L'ADN au cœur de nos discussions cet après-midi, ou le DNA, si vous préférez utiliser le sigle anglais. Nous ressemblons à nos parents parce que nous recevons un paquet de molécules de DNA et de la mère et du père. Ce DNA peut être normal, il peut être anormal. Eh bien, on peut dire, sans aucune exagération, que le DNA, c'est ce qui est le plus important dans le monde. En tout cas, sur la Terre. Un homme est un homme parce qu'il a, dans ses chromosomes, un certain DNA, c'est-à-dire une certaine substance chimique d'une certaine composition. Tous les hommes ont des DNA différents. Le DNA de Pierre n'est pas le DNA de Jacques, qui n'est pas le DNA de Paul. On peut donc espérer que cette étude du DNA pourra vous conduire à mieux connaître ce qu'on peut appeler le secret de la vie. Ton ADN, j'aime ton ADN, sans ton ADN. C'est un Éden où c'est toujours la nuit. J'ai ta dégaine pour ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où je suis toujours assis. On dirait tes gestes un peu ta maman. On dirait tes mots un peu ton papa. Un peu ton maman, un peu ta papa. Si tu vois ce que je vois, on dirait les rois mages vers leur étoile, vers les étoiles. Mon ADN dans ton ADN, c'est un ADN, c'est un Éden. Un peu sa maman, on dirait ses mots, un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa. Si tu vois ce que je vois, vers les étoiles, vers les étoiles, vers les étoiles. J'ai ta dégaine, donc j'ai ta dégaine. Sans ton ADN, c'est un Éden où c'est toujours la nuit. Dans les synapses, Daniel Fievé. Ton ADN, j'aime ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où c'est toujours la nuit. C'était ADN de Philippe Catherine sur France Inter. Dans un cancer du sein, après avoir retiré la tumeur, le cancérologue peut proposer plusieurs traitements plus ou moins lourds. Pour l'aider dans ce choix, il existe des analyses complémentaires. La tumeur de la patiente, figée dans ce bloc de paraffine, va être découpée en fines lamelles. Cela va permettre de repérer précisément les cellules cancéreuses au microscope, puis de les isoler complètement. Car ce sont ces cellules tumorales et uniquement elles qui vont passer dans ce séquenceur haut débit. Cet appareil va plonger dans l'ADN de ces cellules malades et identifier en un temps record toutes les anomalies génétiques. Et c'est une technique qui nous permet d'aller étudier 800 gènes, l'expression de 800 gènes simultanément. En fonction du nombre et du type d'anomalie génétique, le séquenceur va éditer une fiche de risque de récidive du cancer à 10 ans. Le bénéfice risque. Pour le cas de cette patiente, les analyses ont permis d'avoir un avis plus éclairé. Sur les premiers éléments de la tumeur, la chimiothérapie n'était pas forcément conseillée. On m'a proposé cette analyse plus poussée de la tumeur et qui a démontré que, comme le risque était intermédiaire, c'était une balance et j'ai accepté, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir moi décidé, j'ai accepté de subir cette chimiothérapie. Extrait d'un reportage diffusé en 2018 dans le JT de France 3. Pascal Pujol, généticien, vous présidez la Société française de médecine prédictive et personnalisée. Et ce que l'on vient d'entendre, c'est un exemple de ce que permet aujourd'hui la médecine personnalisée. On peut juger de l'agressivité d'une tumeur en analysant le génome d'un patient, en l'occurrence d'une patiente? Oui, absolument. Aujourd'hui, on en est là, c'est ce qu'on appelle les signatures génomiques. Donc, c'est simplement une anomalie génétique qui permet d'avoir une précision pour le traitement. Le premier exemple que vous donnez de ces signatures est effectivement de prévoir la gravité et est-ce qu'une chimiothérapie est utile ou pas. Alors pour les auditrices en particulier, qui sont plus concernées, je veux dire que le plus souvent, ces signatures permettent d'éviter la chimiothérapie et qu'elles sont plutôt, leur objectif aujourd'hui dans l'utilisation, c'est quoi? C'est le constat de dire qu'on fait un peu trop de chimiothérapie et que puisqu'on guérit 86% des cancers et que parfois cette chimiothérapie pourrait être évitée. C'est là où les signatures génomiques ont toute leur place aujourd'hui dans ce qu'on appelle la désescalade. Alors Pascal Pujol, justement vous évoquez dans votre ouvrage « Voulez-vous savoir ?» chez Humaine Science, une grande étude qui a été menée aux États-Unis sur 10 000 femmes atteintes d'un cancer du sein. C'était en 2018, c'est tout récent. Oui. C'est une étude assez édifiante. Oui, déjà, il faut tirer le chapeau à ces femmes qui ont... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette étude est partie il y a plus de 10 ans. Des femmes ont accepté, à l'époque, de tirer leur chimiothérapie à pile ou face. Alors, pour rassurer quand même nos auditeurs, pour les femmes dont il était évident qu'elles avaient besoin d'une chimiothérapie, les 20%, elles ont eu la chimiothérapie. Pour celles où il était évident qu'elles n'en avaient pas besoin, on ne leur a pas fait de force une chimiothérapie. Exactement. Et c'est dans cette zone grise, un peu, où il y avait un doute. 6 000 femmes, il est resté, c'est très exactement ça. Quand le pronostic était pas bon cliniquement, on n'allait pas prendre le risque. Et quand c'était très bon, pourquoi donner une chimiothérapie? On n'en donne pas. Mais vous voyez, la zone intermédiaire, elle est de 6 000 sur 10 000 femmes. Elle est énorme. Donc c'est sur ces 6 000 femmes qu'effectivement, on a tiré à pile ou face pour savoir si on leur donnait ou pas une chimio. Ces femmes ont accepté ça. Quel est le résultat? Les courbes sont absolument superposables. Autrement dit, il n'y a aucune différence, du traitement. Globalement, les courbes sont superposable. Ce qui est discuté aujourd'hui, c'est un âge de moins de 50, enfin des trucs très particuliers dans un sous-groupe. Mais ça veut dire que la prédictivité de ce marqueur est bonne, puisqu'elle le permet de dire le traitement sans chimiothérapie n'est pas inférieur à un traitement avec chimiothérapie. Donc on peut alléger sensiblement le traitement, parce que les chimiothérapies sont évidemment des traitements très lourds pour les patients et les patientes en l'occurrence. On peut s'en passer avec une garantie de guérison, enfin en tout cas une statistique. Sans perte de chance. Ouais. Voilà. Quelles conséquences ça a eu aux États-Unis, les résultats de cette étude qui sont tombés en 2018? Les référentiels ont été transformés, mais pas qu'aux États-Unis. Ça veut dire quoi, les référentiels? C'est-à-dire qu'on a tous les pays ont ce qu'on appelle des référentiels pour standardiser les pratiques. Des groupes d'experts réfléchissent en l'état des connaissances. Qu'est-ce qu'il convient de faire à une femme qui a une tumeur moyenne avec des critères d'agressivité, un âge, etc. En prenant en compte l'ensemble des paramètres. Eh bien, les recommandations américaines ont inclus le test en question comme un marqueur à faire. Non, c'est-à-dire plus que possible, mais à faire. Maintenant, on fait le test génétique avant et en fonction du résultat du test, on sait s'il est nécessaire ou non d'administrer une chimiothérapie. Voilà. Je le rappelle, pour un groupe de femmes à niveau intermédiaire pour lequel on n'est pas sûr. En fait, donc c'est ce qu'on appelle la médecine de précision qui vaut ici pour guider un traitement conventionnel, mais qui vaut, et je pense que je m'avance un peu, qui vaut aussi pour trouver une anomalie particulière qui répond à un médicament particulier. Et ça, c'est très nouveau. Et pour moi, c'est un virage historique aujourd'hui de la médecine. Pour reprendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure avec BRCA, on a une évolution historique pour ces cancers du sein ou de l'ovaire qui arrivent chez des femmes qui ont une mutation BRCA. On peut leur donner un traitement spécifique et on a des résultats spectaculaires parmi les plus forts de la cancérologie des 20 dernières années par des médicaments déciblés. Sauf que vous dites dans votre ouvrage qu'en France, on ne tient pas vraiment compte de ces résultats et que l'on surtraite, surtraite certains cancers du sein. Quand même, je veux redresser. Pour les signatures génomiques, je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres référentiels pour se les approprier. Mais que les auditeurs se rassurent, parce qu'ils y ont quand même accès. Le système français permet d'avoir un accès à ces signatures génomiques. Deuxièmement, et ça je veux le dire aussi, au niveau thérapeutique, par contre, on est un des premiers pays. On est en avance sur les Américains pour la mise à disposition de ces drogues. Il y a une semaine, le ministère a décidé de mettre deux molécules en remboursement alors qu'elles sortent de la démonstration de leur efficacité. Donc il n'y a pas de retard. Je pense qu'on est un des pays les plus réactifs pour proposer les drogues aux patients. Il y a une autre pratique que permettent aujourd'hui les progrès de la génétique. Dans certains cas précis, c'est ce que l'on appelle le diagnostic préimplantatoire qui permet à des couples porteurs de gènes correspondant à des maladies génétiques graves d'avoir des enfants bien portants. Allez, toi ! Tout a commencé en avril 2002 lorsque leur maman a donné naissance à un premier petit garçon, Anatole. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet enfant-là. On a été voir un pédiatre, on a été voir des professeurs, et puis après mains et mains rebondissements et analyses et ainsi de suite, on s'est rendu compte que cet enfant-là était atteint d'une amyotrophie spinale infantile de phase 1, c'est-à-dire une maladie génétique assez grave quand même. Les parents découvrent qu'ils sont tous les deux porteurs de cette affection. Une affection terrible, Anatole décède à l'âge de 8 mois. Mathias et Catherine, qui veulent absolument d'autres enfants, décident alors d'avoir recours à une technique spécifique, le diagnostic préimplantatoire. Première étape, une fécondation in vitro, réalisée avec les spermatozoïdes et les ovocytes des parents. Puis, sur chaque embryon ainsi créé, un biologiste prélève une cellule qu'il va analyser. Cette cellule est mise dans un tampon qui va libérer l'ADN. Et sur cet ADN, on va rechercher la mutation qui est présente dans cette famille. Et on va savoir si l'embryon est porteur ou non de la maladie. S'il n'est pas porteur de la maladie, on va pouvoir réimplanter cet embryon chez la mère. S'il est porteur, malheureusement, on ne va pas pouvoir le réimplanter. Pour le moment, la loi ne permet le recours au diagnostic préimplantatoire que dans le cadre d'une maladie particulièrement grave et incurable. Si cette notion peut être interprétée de bien des manières, on est encore loin de la recherche de l'enfant parfait, redouté par certains. Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 en 2009, Pascal Pujol, on l'a compris, hein, on trie les embryons pour sélectionner ceux qui ne sont pas porteurs du gène défectueux, mais c'est un gène qui aboutit dans 50% des cas à un décès avant l'âge de 2 ans. On comprend que les parents aient envie d'avoir des enfants qui n'aient pas ce gène. Certains crie quand même à la dérive eugéniste. Vous ouvrez votre livre dès l'introduction, vous abordez ce thème. On sent un certain agacement de votre part sur ces gens qui de loin jugent et crient à l'eugénisme. Oui, mais je pense que c'est un amalgame qui se fait par la fascination initiale de la génétique, des manipulations, l'eugénisme qu'on a connu il n'y a pas si longtemps. Et il faut bien distinguer ces problématiques qu'il faut craindre, qu'il faut redouter, de l'utilisation médicale vraie, c'est-à-dire éviter des catastrophes. Et pour ce couple qui a un enfant qui a une amyotrophie spinale de type 1, on comprend mieux la demande de ces couples et la position du médecin qui est de venir en aide. Certes, on va déployer des techniques génétiques, on va choisir l'embryon qui n'est pas porteur, mais on ne le fait pas pour avoir des enfants blancs aux yeux bleus. On le fait pour éviter des maladies absolument gravissimes. Aujourd'hui, dans quel cas précis on utilise le diagnostic préimplantatoire ? Alors, on l'utilise quand il y a déjà eu un premier enfant. C'est justement ce qui est discuté dans la loi de bioéthique que j'ai repris dans l'ouvrage, c'est qu'on pourrait l'étendre. Oui, parce qu'il y a cette loi bioéthique qui a été annoncée en juillet, qui doit être votée fin septembre. Oui. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous sortez ce livre aujourd'hui. Vous aviez envie qu'on entende votre voix. Ma voix, qui n'est qu'une des composantes de la décision politique, mais ma voix est celle des généticiens actuellement. Ils considèrent qu'on pourrait élargir un peu les indications du dépistage dit préconceptionnel, justement dans l'amyotrophie spinale ou dans la mucoviscidose. Parce que 9 fois sur 10, en fait, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Donc on pourrait évaluer cet élargissement. C'était d'ailleurs quelque chose qui avait été retenu favorablement par le Conseil national d'éthique. Certains pays se préparent à avoir des programmes. C'est assez clair qu'il faudra quand même évaluer au plan médical, économique, encore une fois, l'avis des médecins, parce qu'il y a quasiment un consensus chez les généticiens là-dessus, n'est qu'une des composantes aujourd'hui de la décision politique qui revêt des aspects éthiques et des aspects économiques. Une dernière question, médecine prédictive, médecine personnalisée, tout cela fait appel à beaucoup de connaissances en génétique nouvelles. Est-ce que les médecins généralistes actuels sont formés, ont les connaissances pour cette révolution ? Vous diriez que c'est une révolution qui est en train de se jouer quand même dans l'approche médicale. Je pense réellement qu'il y a des avancées historiques. On n'a jamais eu des cancers métastatiques guéris. Or, dans le mélanome, dans le cancer du poumon, dans le cancer de l'ovaire, on a des situations incroyables par la médecine de précision, ces médicaments particuliers. Donc ça, c'est assez historique quand même. Mmh. Alors, les médecins sont-ils prêts à faire face, les médecins généralistes, à ces changements historiques ? Il y a un gros travail de formation, ce qu'on appelle la formation médicale continue, parce que moi-même, je suis sorti des bancs de ma faculté avec les petits pois de Mendel. Et donc, il a fallu que j'ai une formation continue. Mais ce qui est utile peut être quand même très bien transmis de façon simple, il me semble. Mmh. Oui, vous êtes plus critique dans votre livre. Les auditeurs le découvriront. Merci, Pascal Pujol. Merci. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage. Voulez-vous savoir ce que nos gènes disent de notre santé, aux éditions Humaine Science. Merci à vous et bon retour. Merci. À Montpellier. Merci. À 16h, nous irons explorer les lunes lointaines de notre système solaire avec l'astrophysicienne Athéna Koustenis. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu de la semaine. Nous évoquerons entre autres l'évolution du cerveau des chiens, le génome du petit pois et celui du monstre du Loch Ness. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. C'était Roy Head qui chantait Treat Her Right. France Inter. Du vent dans les synapses. Et pour passer en revue l'actu des sciences de la semaine, autour de la table, Cécile Bonneau de Science et Vie, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Becherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Que vas-tu nous planter, là ? Et des petits pois, mon père. Et là, là, là ? Des petits pois, là aussi, des petits pois. Ça fera beaucoup de petits pois, mon fils. Il en faut des milliers pour mon expérience. Et que vas-tu en faire ? Les croiser, les hybrider, mon père. Le moine Gregor Mendel plantant ses petits pois pour étudier les lois de l'hérédité près de 150 ans après les travaux de ce pionnier de la génétique. Le génome du petit pois, Sophie Becherel, vient d'être séquencé par une équipe internationale. Et vous nous le dites, cette nouvelle nous concerne tous. Oui, c'est vrai que cette plante n'est pas aussi stratégique que le blé ou le riz, dont le séquençage du génome a déjà eu lieu. Mais tout de même, ça a une importance colossale pour l'avenir. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, quelques mots sur la publication de ce résultat qui est intervenu cette semaine. Donc ça a été assez long à mener à bien ce programme de séquençage. D'une part parce que le génome est gros et complexe, puis il y a beaucoup de séquences répétées. On pourrait schématiser ça en disant que dans un grand puzzle, il y a beaucoup de petits morceaux qui se ressemblent énormément et du coup, pour les placer au bon endroit, c'est plus difficile que si la forme est très différente. Et puis donc, il a fallu obtenir de l'argent pour cette plante qui n'est pas aussi emblématique que le blé ou le riz. Mais tout de même, le petit pois, il a des cousins assez intéressants. Le pois chiche, le pois cassé, enfin, ça se mange dans pas mal de pays. Toute une sorte de variété exactement. De pois. Et dans les deux hémisphères. Et donc, voilà, une équipe internationale, dont des chercheurs de l'INRA, est arrivée à bout de ce génome. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenant sélectionner des gènes d'intérêt, justement, et accélérer la sélection de la plante et du coup trouver des gènes qui vont lui permettre d'être plus résistante à la chaleur, à la sécheresse, aux parasites, à tout un tas de choses voilà, qui dans le cadre d'un réchauffement climatique sont fort intéressantes. Et puis pourquoi pas aussi la production de ce petit pois, la productivité. Et puis aussi parce que donc ce petit pois c'est une légumineuse et donc elle comporte 20 à 25% de protéines à l'heure où le réchauffement climatique nous amène à consommer de moins en moins de protéines animal et donc de moins en moins de viande, et ben le petit pois constitue une alternative assez intéressante. Voilà pourquoi avoir ces informations maintenant, c'est pas mal. Et puis en plus, ce petit pois, il a une autre vertu, pas très connue. Oui. Ses racines fixent l'azote. Ah oui. L'azote, c'est un fertilisant. Autrement dit, il va nécessiter moins d'intrants azotés. Et l'azote, eh bien, ça contribue à créer des gaz à effet de serre. Donc, encore un bénéfice pour la planète. Mais pourquoi le fait d'avoir réussi à séquencer le génome fait que le petit pois va se mettre à, par exemple, séquestrer plus d'azote? Ah non, il ne va pas se mettre à séquestrer plus, mais on va pouvoir agir, si vous voulez, sur les gènes pour augmenter, pour pousser, on va dire, certains curseurs. D'accord. Et faire en sorte, voilà. Mais c'est surtout, comme on va pouvoir sélectionner et on va dire, diriger en quelque sorte la croissance de cette plante ou en faire ou l'améliorer, en quelque sorte, elle pourra avantageusement remplacer d'autres plantes ou, je le disais, d'autres protéines. Mathieu, Novak ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs, ils annoncent qu'ils ont aussi l'espoir d'avoir de bons résultats pour, par exemple, la faire résistante au gel. Ce qui veut dire que c'est pas impossible que dans le futur, les champs qui sont aujourd'hui, qui ne servent pas en hiver, eh ben on y fasse pousser des petits pois à toutes les saisons. Un homme chantant en chœur avec son chien sous la douche. Cécile Bonneau, vous nous parlez de l'emprise de l'homme sur le chien. Oui, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que nous nous sommes immiscés jusque dans les cerveaux des chiens. Parce que vous savez que l'homme a domestiqué le loup il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, parce que nous avions un intérêt réciproque à nous rapprocher. Hein, eux pour bénéficier d'une source de nourriture facile à attraper et nous pour gagner une forme de protection de leur part. Et on sait que cette domestication s'est accompagnée d'une modification profonde de la physionomie de l'animal. Alors les différences entre le loup et le bichon maltais ne nous avaient pas totalement échappé. Ça va plus loin que ça. Oui, alors il y a la différence entre le loup et le chien, puis il y a aussi la différence entre le bichon maltais et le setter irlandais qui va pas dû vous échapper non plus. Et ces différences, elles sont pas uniquement physiques. En fait, des traits de caractère et des compétences sont apparus et au fil du temps, il y a eu une spécialisation de plus en plus pointue des différentes races de chiens en fonction de ce qu'on a cherché à développer chez eux. Alors chez certains, c'est le flair qui a été encouragé, chez d'autres, c'est la vue. On a aussi dressé des chiens à rapporter du gibier, d'autres à surveiller le bétail, d'autres encore à garder la maison et d'autres à être simplement des compagnons affectueux. Des chercheurs américains, notamment de Harvard, ont décidé de regarder si ces différences de capacité, clairement induites par la sélection humaine, se traduisaient par des différences anatomiques importantes dans le cerveau des chiens. Et on imagine que oui. Eh oui, vous avez raison, c'est logique. Mais c'est à un point qui a surpris les chercheurs. Après avoir récupéré les IRM des cerveaux d'une soixantaine de chiens, ils ont remarqué d'énormes différences selon les races. Schématiquement, les chiens appartenant à une race utilisée pour le combat avaient un circuit cérébral de la peur et du stress et de l'anxiété assez spécifique. Et ceux connus pour être d'excellents chasseurs avaient un circuit de l'olfaction très développé. Et plus exactement, pas simplement du bulbe olfactif, mais d'un système d'ordre supérieur, celui qui permet surtout de traiter l'information et de la communiquer. Et les chercheurs ont aussi vu que l'ampleur de ces différences n'est pas corrélée à l'éloignement phylogénétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est pas parce que deux races vont être proches l'une de l'autre d'un point de vue évolutif qu'elles vont avoir des cerveaux qui se ressemblent davantage que les autres. Et ça, c'est la preuve que les cerveaux des chiens ont évolué récemment dans les dernières branches de l'arbre généalogique, si vous voulez. Ça veut dire que ce sont vraiment les hommes qui ont complètement façonné les cerveaux des chiens. Mais est-ce qu'il s'agissait de chiens particulièrement entraînés? Parce que on sait, hein, même pour les humains, quand par exemple un pianiste s'exerce beaucoup, son cerveau est modifié, on observe des changements dans son cerveau. Donc est-ce que c'est pas ça tout simplement qu'on a observé chez Alors, ces chiens? Justement non, parce qu'il s'agissait ici de simples chiens de compagnie qui n'ont pas du tout été dressés pour faire un métier. C'était pas des chiens de travail. Donc contrairement au pianiste qui effectivement structure au fil de son apprentissage un cerveau apte à son métier, il s'agit là d'un câblage inné. Donc il s'agit bien d'évolution. Une réaction? Oui, ça montre bien, une fois de plus, l'extraordinaire force de sélection qu'a appliqué l'homme sur le chien. Et ça montre aussi qu'un chien qui a été choisi pour garder un troupeau, eh ben, vous pouvez toujours l'élever pour qu'il soit tout mignon à la maison, ça va pas marcher. Ça aucune chance. Pas. No importa, márcamelo. Te estás poniendo en evidencia, Pepa. Ya me he puesto bastante así que un poquito más no importa. Has llorado, ¿no? ¿Ves? ¿Lo ves? Yo ya lo sabía, Pepa. Oye, o me lo marcas tú o llamo desde la calle y me están esperando en el estudio, o sea que tú verás. Uy, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Servidora está aquí para eso, ¿eh? El café puede esperar. Un extrait de Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar. Mathieu Dovac, ce n'est pas parce que les Espagnols parlent vite, et là on en avait une jolie démonstration, qu'ils ont plus de choses à dire. Eh ben, on pourrait se poser la question, justement, dans l'extrait qu'on vient d'entendre là. Est-ce qu'il y a une quantité d'informations bien supérieure qui est passé que si on avait parlé, par exemple en vietnamien, non, si vous connaissez des Vietnamiens, on a plutôt l'impression que c'est des gens qui ont un débit lent. Eh bien, l'équipe de François Pellegrino à l'Université de Lyon s'est posé cette question. Est-ce qu'il y a plus d'informations parce qu'ils parlent plus vite? Alors comment ils ont fait? Ils ont pris 17 langues, donc des langues d'Europe, d'Asie, ça va du turc au français, au coréen, bon je passe, et ils ont fait lire... Parce que là, on a eu l'impression, mais c'est peut-être juste un jeu. Ils ont fait lire des textes courts à plusieurs personnes pour faire une moyenne. Objectif, savoir le débit moyen dans chaque langue. Et par ailleurs, ils ont pris des grands textes et ils ont essayé de voir combien il y a d'informations par syllabe. Parce qu'il y a les langues, par exemple des langues tonales, où on peut mettre plus d'informations dans une syllabe que l'autre. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Que le débit de parole compense exactement le nombre d'informations par syllabe. Autrement dit, si on a un Espagnol qui parle très vite et un Vietnamien qui parle plus lentement, à l'arrivée... Dans le même temps, il donne la même quantité d'informations. Exactement. Quand la densité de l'information dans une syllabe est faible, le débit augmente naturellement. C'est ce qui se passe chez les Espagnols et chez les Japonais. Et inversement, quand la densité d'information est forte, ce débit diminue. On retrouve ça dans les langues chinoises et vietnamiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont établi que ce débit, finalement, d'information, on peut même le quantifier. Alors, on parle en bits comme dans l'unité d'informatique. C'est 0 et c'est 1 qui servent à coder l'unité élémentaire de l'information, et ils montrent qu'on arrive toujours à peu près 39 bits par seconde. Alors ça, on peut faire l'effort de parler plus ou moins vite, mais ils disent que c'était comme si on était attiré vers cette moyenne naturellement. Cette moyenne, elle correspond peut-être tout simplement à notre capacité à ingurgiter, à recevoir ces informations. Voilà, d'une part, la difficulté de prononcer une langue qui est compliquée, et d'autre part, il faut quand même avoir le temps de comprendre. Et le français là-dedans, si vous voulez savoir, ben c'est un petit peu plus rapide que la moyenne. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à parler trop vite, chers auditeurs, la prochaine fois à table, vous pourrez juste dire que vous parlez pas trop vite, vous essayez juste de compenser la faible densité de la langue française. Ah bah oui, alors, effet garanti. Une réaction? Est-ce qu'ils ont essayé de faire ces comparaisons à l'écrit? Alors justement, l'écrit a permis de voir combien il y a d'informations par syllabe. Mais après, non, ça c'est d'autres questions. On sait que ça c'est l'écriture, c'est le nombre de lettres qui permettent d'écrire un mot. Et après, en plus, selon les alphabets, c'est plus ou moins compliqué. Mais c'est décorrélé, la prononciation est décorrélée du nombre de lettres qu'on utilise. On termine avec un dernier tour de table. En bref, dans le reste de l'actualité, Sophie Becherel. Le délit de sale gueule, ça existe aussi chez les gorilles. Ah oui. Eh ben oui, les femelles surtout. Une équipe française du CNRS et de l'Université de Rennes qui travaille de façon régulière sur des gorilles du Congo a en effet montré que les femelles sont capables d'identifier la maladie du pian. C'est une maladie qui provoque des lésions particulièrement visibles et handicapantes chez ces singes et surtout sur la face, des nécroses, des tissus, du nez, des lèvres. Et ça va jusqu'à la déformation des os. Et alors ces femelles, du coup, elles évitent les mâles ou leurs congénères quand elles migrent d'un groupe social à un autre, parce que en fait, ça ne leur convient pas, si vous voulez. Quand je disais le délit de sale gueule de façon assez triviale, c'est bien ça. Visiblement, le mâle qui a cette pathologie, eh bien, les femelles n'iront pas rejoindre son groupe, elles vont le fuir. C'est comme un apprentissage de ce qu'elles voient sur la face de ces gorilles. Il faut savoir que le pian est une maladie contagieuse. Et dans cette communauté, plus de 500 gorilles ont été étudiés. Il y a quand même 20% qui en sont atteints. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ici? Est-ce que c'est le dégoût de la maladie? Là, on ferait peut-être de l'anthropomorphisme. Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est l'instinct de survie? Parce que les femelles peuvent se dire qu'elles ont moins de chances de se reproduire ou d'épargner à leur progéniture la maladie. On ne sait pas. En tout cas, pour Ebola, par exemple, qui avait décimé les gorilles en 2003, il n'y a pas eu cette capacité à identifier les individus malades. Enfin, là, visiblement, quand c'est visible, l'ostracisme joue à plein. Cécile Bonneau, vous nous alertez sur une pénurie d'hommes à marier outre-Atlantique. Ouais, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dramatique. Il s'agit d'une étude publiée dans Journal of Marriage and Family, dans laquelle des chercheurs ont estimé les attentes des femmes américaines quant au niveau socio-économique de leur futur mari, puis mesuré la proportion d'hommes non mariés dotés de ces caractéristiques attendues. Et là, c'est le drame, ça ne colle pas. On est face à une pénurie d'hommes diplômés et gagnant plus de 40 000 dollars par an, et à un surplus d'hommes non diplômés gagnant moins de 20 000 dollars par an. Donc le marché du mariage est coincé, et ça explique que seuls 64% des femmes peuvent trouver un mari correspondant à leurs attentes. Mathieu Novak, des nouvelles du monstre du Loch Ness pour terminer? Toujours pas de nouvelles. Vous savez qu'on le cherche depuis le 6e siècle. À la fin des années 70, il y avait à peu près 10 000 personnes qui avaient dit qu'ils l'avaient vu. Et ben là, on n'a toujours pas vu. Alors des chercheurs, ils se sont dit, s'il existe, il a bien laissé une trace. Ils sont allés faire tout simplement des prélèvements d'eau dans le fameux lac Highlands en Écosse, et ils ont bêtement analysé tout ce qu'il y avait dans cette eau, tout l'ADN qu'il y avait dedans. Et ben hélas, pas de traces d'un reptile du Jurassique, pas non plus de poisson géant, pas de requins, mais par contre, beaucoup d'ADN d'anguilles. Ah. Alors, s'il y a beaucoup d'anguilles, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, c'est pas impossible qu'il y en ait une qui soit beaucoup plus grosse que les autres et qu'on la croise de temps en temps. Et voilà comment on relance un mythe pour plusieurs siècles. Merci Mathieu Novak. En couverture du Science et Avenir ce mois-ci, on fait le point sur les dernières recherches sur les maladies de l'esprit, de la dépression au stress, pour apporter un peu d'espoir dans le futur. Cécile Bonneau pour Science et Vie en kiosque ce mois-ci. Alors, outre la couverture sur la matière noire, il y a aussi un papier sur le pont de la Réunion, le pont de tous les casse-têtes qui est en cours de construction. Merci à tous les trois. Autour de la table, pendant que vous parliez, nous a rejoint notre invité de la deuxième heure, Athéna Koustenis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, spécialiste des lunes qui tournent autour des planètes géantes gazeuses, Saturne et Jupiter. Et vous êtes conseillère sur le projet de mission annoncé par la NASA tout récemment, fin juin, un drone hélicoptère pour aller survoler Titan, le plus grand satellite de Saturne. En trois mots, un aperçu des paysages que va survoler ce drone, Athéna Koustenis. Dunes faites de glace, des montagnes, des cryovolcans et des lacs de méthane. Voilà qui est prometteur. Athéna Koustenis, vous allez nous emmener sur Titan et quelques autres satellites de Saturne et Jupiter dans la deuxième heure de cette émission. A tout de suite. Dans un instant, nous mettrons le cap sur Titan et quelques autres lunes lointaines de notre système solaire avec l'astrophysicienne Athéna Koustenis. Du vent dans les synapses, deuxième heure, c'est juste après le flash.